Ce voyant vient de s'allumer. Je m'arrête à droite des cônes. Réponse A. Je m'arrête dans ma voie. Réponse B. J'attends le prochain refuge. Réponse C. Je continue sans m'arrêter. Réponse D.